David Herbert Lawrence, Le Renard. Le voisinage les connaissait par leur nom patronymique. C'était Bunford et c'était March. Ensemble, elles avaient loué la ferme, qu'elles se proposaient d'exploiter elles-mêmes. On engraisserait de la volaille, on vivrait du rendement de la basse-cour, à quoi on joindrait une vache. On élèverait un ou deux veaux. Hélas, ce n'était point le succès. Bunford était un petit être mince, délicat, portant lunettes. Mais c'était elle le principal bailleur de fonds, car March avait peu d'argent, autant dire qu'elle n'en avait mis. Le père de Bunford, négociant à Islington, avait avancé le capital d'entreprise. Pour la santé de sa fille, qu'il aimait, et parce qu'il n'apparaissait pas que la frêle créature dût être jamais en puissance de mari. March était plus robuste. Elle avait appris la charpente et la menuiserie aux écoles du soir d'Islington. Elle serait l'homme de la ferme. Au commencement, elles eurent avec elles le grand-père de Bunford. Il avait été fermier. Malheureusement, il mourut à Bailey Farm au bout d'un an. Dès lors, les deux jeunes femmes demeurèrent seules. Jeunes, guère, elles frisaient la trentaine. Mais, à coup sûr, point vieilles. Très bravement, elles se mirent à l'œuvre. Elles avaient des nuées de poules, quelques canards et, dans les prés, deux génisses. Une génisse, par malheur, refusa obstinément de rester en dedans des clôtures de Bailey Farm. March avait beau s'ingénier à consolider les palissades, la bête sortait, gagnait dardard les bois ou foulait le pâturage voisin. Et March et Bunford de courir après elle avec plus de hâte que de succès. Alors, de guerre lasse, on se défie de la génisse récalcitrante. Et puis, au moment où l'autre allait mettre bas son premier veau, par peur on la vendit. Et les fermières accordèrent tous leurs soins aux poules et aux canards. Malgré quelques chagrins, ce fut un soulagement de n'avoir plus de bétail à soigner. La vie n'est point faite pour être vécue dans un constant esclavage. Les deux femmes là-dessus tombaient d'accord. Les volatiles causaient bien assez de tintouin. March avait installé son établi de charpentier dans la remise ouverte. Elle y travaillait, fabriquant des maisons de poules, des portes et autres articles. Les volailles logeaient dans la plus vaste des deux dépendances, qui avaient jadis servi de grange et d'étable. Elles auraient dû se trouver parfaitement bien dans une si belle demeure. À vrai dire, elles avaient assez bonne mine, mais leurs maîtresses étaient dégoûtées de la tendance qu'avaient ces bêtes à prendre d'étranges maladies de leur exigeante manière de vivre. Quant à des œufs, il ne fallait point leur en demander. C'était March qui abattait la plus grosse part de la besogne. Lorsqu'elle vaquait à ses diverses occupations, avec ses bandes molletières et ses culottes, son veston à ceinture et son large béret, elle avait presque l'air d'un jeune homme, gracieux, souple, car ses épaules étaient droites, ses mouvements aisés et sûrs, où l'on percevait même une pointe d'indifférence ou d'ironie. Mais le visage n'avait, certes, rien de masculin. Les mèches de ses noirs cheveux frisés voletaient autour d'elle quand elle se baissait. Ses grands yeux étaient béants et sombres quand elle les levait, des yeux étranges, pleins de surprise, de timidité et aussitôt sardoniques. Sa bouche était presque pincée, comme de souffrance et d'ironie. Il y avait en elle quelque chose de bizarre et d'inexpliqué. Elle se tenait debout et, dans un déhanchement, suivait du regard les allées et venues des poules par la boue odieuse et fine de la cour en pente, appelait sa favorite qui, aussitôt, répondait à son nom. Mais il y avait un éclat presque satirique dans les grands yeux noirs de March lorsqu'elle regardait le manège du troupeau de poules, et dans sa voix la même pointe de satire dangereuse lorsqu'elle parlait à la blanche Patty, qui becquetait le soulier de sa maîtresse en manière d'amicale démonstration. Les poules ne prospéraient point à Bailey Farm, en dépit de tout ce que March faisait pour elles. Lorsqu'elle leur servait la pâtée chaude le matin, selon la règle, elle observait que cela les rendait lourdes et somnolentes durant des heures. Elle s'attendait à les voir s'accoter au pilier de la remise dans le travail languissant de la digestion. Et elle savait au mieux que les volailles devaient être occupées à gratter et à fouiller ici et là pour prospérer. Alors elle décida de leur donner la pâtée chaude le soir et de les rentrer aussitôt au poulailler. Elle le fit, mais il n'y eut rien de changé. En outre, la situation créée par la guerre nuisait à l'entretien d'une basse cour. La nourriture était rare et mauvaise. Et lorsque fut établie l'heure d'été, les volailles refusèrent obstinément de se coucher à l'heure habituelle, 9 heures environ. C'était assez tard, vraiment, car jusqu'à ce qu'elles fussent enfermées et endormies, il n'y avait point de paix. Maintenant, elles se baladaient, çà et là, joyeusement, sans le moindre coup d'œil au poulailler, jusqu'à 10 heures ou plus. Or, Banford et March ne pensaient point qu'on dût vivre uniquement pour travailler. Elles avaient besoin de lire ou de faire dans la soirée quelques promenades à bicyclette. Ou bien encore, March désirait peindre, sur porcelaine et sur fond vert, des signes aux lignes courbes, ou confectionner pour le foyer un merveilleux écran selon les procédés de l'ébénisterie fine. C'était une créature aux caprices étranges, au goût jamais satisfait. Mais impossible de se vouer à ces travaux-là. Les stupides volailles n'en laissaient pas le temps. Il y avait pis encore. Depuis la guerre, le renard était un vrai démon. Au nez de March et de Banford, il enlevait les poules. Banford sursautait, braquait yeux et lunettes, et voilà, un autre cri, un autre émoi, à ses talons. Trop tard, une blanche de moins. C'était décourageant. Elle faisait de leur mieux. Lorsqu'il était permis de tuer les renards, toutes deux montaient la garde avec leurs fusils, aux heures favorables. Peine perdue, le renard les battait en promptitude. Ainsi une seconde année s'écoula, puis une troisième, et elles vivaient de leur revers, comme disait Banford. Un été, elles louèrent la maison et s'en allèrent loger dans un wagon de chemin de fer arrêté, comme une façon de dépendance, dans un coin du champ. Ça les amusa et secourut leurs finances. Néanmoins, l'avenir semblait sombre. Les meilleurs amis du monde, assurément, car Banford, quoique nerveuse et frêle, était une âme chaude, généreuse. Et March, quoique bizarre et distraite, avait une étrange magnanimité. Dans la longue solitude, elles avaient tendance à devenir un peu irritables, l'une à l'égard de l'autre, à se lasser l'une de l'autre. March faisait les 4/5 de la besogne, et, bien que ça lui fût égal, il semblait parfois que ça n'en finît jamais, et ses yeux en prenaient un éclat singulier. Alors, si Banford, à bout de nerfs, se laissait abattre, March lui parlait durement. Elle paraissait perdre pied, quelque peu, à mesure que les mois passaient. Toute seule, dans les champs, près du bois, avec la vaste région qui s'étendait, creuse et mélancolique, jusqu'aux collines rondes du Cheval Blanc, là-bas, elle semblait retomber sur elle-même, il n'y avait rien pour les soutenir, et point d'espoir. Ce renard, vraiment, les exaspérait. Aussitôt qu'elles avaient lâché la volaille, dans les premières matinées d'été, elles devaient s'armer de leurs fusils et faire bonne garde. Et le soir, à peine brunissant, il fallait de nouveau recourir au fusil. Il était si rusé, le renard. Il se glissait dans l'herbe épaisse où il disparaissait comme un serpent. Et il avait l'air de vouloir circonvenir les deux femmes, délibérément. Une ou deux fois, March avait aperçu la blanche extrémité de la queue, ou l'ombre rousse de l'animal dans l'herbe drue, et elle avait tiré. Mais il n'en tenait nul compte. Un soir, March était debout, le dos tourné contre le soleil couchant, le fusil sous son bras, ses cheveux ramenés sous son béret. Elle était à demi veillant, à demi rêvassant. C'était là sa constante attitude. Les yeux, bien ouverts, étaient alertes, mais l'esprit intérieur ne faisait pas attention à ce que voyaient les yeux. Elle tombait toujours dans cette sorte d'extase, la bouche un peu pincée. On doutait si elle était là, réellement présente et consciente. Les arbres, à la lisière du bois, étaient d'un vert foncé, noirâtre à la pleine lumière, car c'était la fin du mois d'août. Au-delà, les troncs et les branches nues, cuivrées, des pins, brillaient dans l'air. Plus près, l'herbe rude, aux longues hampes brunâtres où se reflétait le jour, paraissait lumineuse. Les volailles rôdaient alentour, les canards sillonnaient encore l'étang sous les pins. March regardait tout cela, voyait tout cela, sans voir. Elle entendait Bandford qui, au loin, parlait aux volailles, sans entendre. À quoi pensait-elle? Dieu sait. Sa conscience des choses était, pour ainsi dire, en suspens. Elle abaissa les yeux et soudain vit le renard. Les yeux levés, il la regardait. Museau baissé, yeux levés. Ses yeux rencontraient les yeux de March et il la connaissait. Elle en fut médusée. Elle savait qu'il la connaissait. Il la regardait dans les yeux et elle en eut l'âme défaillante. Il la connaissait, il n'avait point peur. Elle lutta, confusément reprit possession d'elle-même, et elle le vit qui décampait, bondissant sans se presser par-dessus des branches tombées. Des sauts lents, impudents. Puis il jetait des coups d'œil en arrière, par-dessus l'épaule, et doucement courait. Elle voyait sa queue s'agiter comme un panache, elle voyait briller sa croupe blanche. Et doucement, il disparut avec une légèreté de brise. Elle épaula son fusil, mais même alors pinça la bouche, sachant que c'était des raisons que de prétendre tuer l'animal. Elle se mit donc à marcher lentement après lui, dans la direction qu'il avait prise, lentement, opiniâtrement. Elle comptait le trouver. En son cœur, elle y était résolue. Ainsi marcha-t-elle, distraitement, vers la lisière du bois, ses yeux noirs dilatés, vivants et une pâle rougeur aux joues. Elle ne pensait pas. Elle allait ci, elle allait là, dans une bizarre absence d'esprit. À la fin, elle eut l'impression que Bandford l'appelait. Elle fit un effort d'attention, se retourna et répondit à l'appel par une espèce de cri. Puis elle revint à la ferme à grands pas. Le soleil rouge se couchait, les volailles regagnaient leur juque. Elle les observa, poules blanches, poules noires, prendre le chemin de la grange. Elle les regardait comme sous le coup d'un enchantement, sans les voir. Mais son intelligence d'automate l'avertit quand il fut temps de fermer la porte. Elle rentra pour le souper que Bandford avait disposé sur la table. Bandford aimait à bavarder. March paraissait écouter de sa manière distante, masculine. Elle répondait par un mot, de loin en loin. Mais toujours elle était comme dans l'hypnose. Et, le souper fini, elle se leva aussitôt pour sortir, sans dire pourquoi. Elle reprit son fusil et se mit en quête du renard. Car il avait levé les yeux sur elle et son regard entendu semblait lui être entré dans la cervelle. Elle ne pensait pas beaucoup à lui, elle en était possédée. Elle voyait son œil noir, malin, effrontée, qui regardait au fond d'elle-même, qui la connaissait. Elle le sentait qui, invisiblement, dominait son esprit. Elle revoyait sa manière de baisser le menton lorsqu'il levait les yeux. Elle revoyait son museau, le brun doré et le blanc grisâtre. Et toujours elle le voyait la guignant par-dessus son épaule, à demi inviteur, à demi méprisante et rusée. Ainsi allait-elle, ses grands yeux effrayés et animés, son fusil sous le bras, le long de la lisière du bois. Pendant ce temps, la nuit tombait et une grande lune se levait au-dessus des pins. Et, de nouveau, Banford appela. Alors elle rentra. Elle était silencieuse et affairée. Elle examina le fusil, le nettoya, distraite, rêveuse, à la clarté de la lampe. Puis elle ressortit sous la grande lune pour voir si tout était en ordre. Lorsqu'elle vit les cimes noires contre le ciel rouge de sang, de nouveau le cœur lui battit à la pensée du renard. Du renard. Elle voulait le suivre avec le fusil. Elle fut quelques jours avant de raconter l'affaire à Banford. Puis, tout à coup, un soir, elle dit « Le renard était à un pas de moi samedi dernier. »« Où ?» dit Banford, les yeux béants derrière ses lunettes. « Droit au-dessus de l'étang. »« As-tu tiré ?» cria Banford. « Non. Pourquoi pas ?»« Oh, la trop grande surprise, je suppose. » C'était la même façon de parler, laconique, lente, que March avait toujours. Les yeux avides, Banford regarda son ami pendant quelques moments. « Tu l'as vu ?»« Je crois bien, il avait les yeux levés sur moi, froid comme tout. »« Je t'en prie !» s'exclama Banford. « Quelle toupée ! Ils n'ont pas peur de nous, Nelly !»« Oh non ! Dommage de n'avoir pas tiré !»« Oui, n'est-ce pas ? Depuis, je n'ai cessé de le chercher, mais je ne pense pas qu'il revienne si près. »« Je ne le pense pas non plus, » dit Banford. Et elle oublia bientôt l'aventure, sauf qu'elle était plus indignée que jamais de l'impudence du coquin. March, de son côté, ne se rendait point compte qu'elle pensait au renard. Mais à chaque fois qu'elle tombait dans sa rêverie, qu'elle était mi-extasiée, mi-consciente de ce qui se passait dans le champ de sa vision, c'était alors le renard qui dominait son insensibilité, possédait la bonne moitié de son rêve. Et ce fut ainsi durant des semaines, des mois. Qu'elle grimpât aux arbres pour cueillir les pommes, ou secoua les dernières petites prunes noires, ou creusa la rigole partant de la mare, ou nettoya la grange, lorsqu'elle avait fini, et que, se redressant, elle écartait de son front les mèches de ses cheveux, et de nouveau pincer la bouche d'une étrange manière qui la vieillissait trop, alors très certainement revenait à sa pensée le charme du renard, ce charme que le finon lui avait jeté au moment où il la regardait. Il lui semblait respirer l'odeur de la bête, et cette odeur surgissait à des moments inattendus, à l'heure précise où le soir elle allait se coucher, ou à l'instant précis où elle versait l'eau bouillante dans la théière. C'était le renard, il lui tombait dessus comme un enchantement. Ainsi les mois passèrent. Elle le cherchait toujours, machinalement, lorsqu'elle se dirigeait du côté du bois. Il était devenu un fait bien établi en son esprit, un état non point continu, mais qui revenait toujours. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait ou pensait, mais elle se retrouvait dans l'état où elle était à l'instant où il l'avait regardée. Les mois passèrent, les soirées ténébreuses vinrent. Le lourd et noir novembre où March allait, chaussée de grandes bottes, la cheville enlisée profondément dans la boue. La nuit commençait à tomber à 4 heures et le jour ne pointait jamais proprement. Les deux femmes redoutaient cette époque-là. Elles craignaient l'obscurité presque continue qui enveloppait leur ferme isolée près du bois. Banford en éprouvait une terreur physique. Elle avait peur des vagabonds. Pour March, c'était moins effroi que malaise et que trouble. Oui, elle se sentait troublée et sombre en tout son être. D'ordinaire, elle prenait le thé au petit salon. March, au crépuscule, allumait le feu, brûlait le bois qu'elle avait coupé et scié durant le jour. Et c'était alors la longue soirée qui commençait, ténébreuse, lourde d'humidité, noire au dehors, solitaire et un peu accablante, un peu lugubre en dedans. March était contente de ne point parler, mais Bamford ne pouvait demeurer tranquille. D'écouter seulement le bruit du vent dans les pins ou l'égouttement de l'eau était au-dessus de ses forces. Un soir, elle venait de relaver les ustensiles du thé à la cuisine. March avait mis ses pantoufles et pris le crochet auquel elle travaillait lentement de temps à autre. Puis elle tomba dans le silence. Bamford regardait fixement le feu rouge qui, étant un feu de bois, réclamait une constante attention. Elle craignait de se mettre à lire trop tôt, car ses yeux ne supportaient pas la moindre fatigue. Elle était donc là, les yeux fixés sur le feu, l'oreille attentive aux bruits lointains. Bétail meuglant, vent humide et triste et lourd, glissement du train du soir sur le petit chemin de fer. Elle était presque fascinée par le brasier. Soudain, les deux femmes tressaillirent et levèrent la tête. Elles entendaient un pas distinctement. Bamford en fut figé de peur. March écouta. Puis, rapidement, elle s'approcha de la porte par laquelle on passait à la cuisine. Les pas retentissaient près de l'entrée. Elles attendirent une seconde. La porte s'ouvrit doucement. Bamford poussa une clameur. Une voix d'homme fit « Hola !» March recula et prit dans un coin un fusil. « Que voulez-vous » cria-t-elle d'une voix dure. De nouveau la voix d'homme, doucement. « Oh, oh, qu'y a-t-il ? » ?»« Je tirerai !» cria March. « Que voulez-vous ? » ?»« Qu'y a-t-il, voyons, qu'y a-t-il ? » dit la voix douce, étonnée, un peu épouvantée. Et un jeune soldat, son lourd sac sur le dos, avança dans la lumière pâle. « Eh bien, dit-il, qui donc habite ici ?»« Nous, dit March, que voulez-vous ?»« Oh !» arriva comme une note prolongée, mélodieuse, la voix surprise du jeune soldat. « Ainsi ce n'est pas William Grenfeld qui demeure ici ?»« Non, vous le savez bien. »« Moi ? Moi ? Mais non, je ne le savais pas. » Vous voyez, il habitait ici, car c'était mon grand-père, et j'ai habité moi-même ici, il y a 5 ans. Qu'est-il donc devenu ? Lors, le jeune homme, ou l'adolescent, car il ne paraissait pas avoir plus de 20 ans, s'avança et s'arrêta sur le seuil intérieur. March, déjà sous l'influence de son étrange voix, une voix douce, musicale, le regardait fixement, médusé. Il avait le visage fleuri, rondelé, d'assez longs cheveux blondasses que la sueur plaquait sur le front. Les yeux étaient bleus, très vifs, perçants. Sur ses joues, sur la peau fine et fraîche, des vivacités blondes, pareilles à un duvet, mais plus rudes, qui lui mettaient comme un luisant. Son lourd sac au dos, il était voûté, la tête portée en avant. Il tenait son chapeau à la main, négligemment. Son regard allait, clair, très vif, d'une femme à l'autre, à March surtout. Elle était là, debout, pâle, ses grands yeux dilatés, dans son veston à ceinture et ses bandes de molletière, les cheveux noués en paquets sur la nuque. Elle tenait toujours son fusil. Derrière elle, Bamford, cramponné au bras du canapé, se reculait, détournant à demi la tête. Je pensais que mon grand-père habitait toujours ici. Serait-il mort ? Voilà 3 ans que nous y sommes, dit Bamford, qui commençait à retrouver ses esprits, voyant quelque chose de gamin dans cette tête ronde et ses longs cheveux collés par la sueur. 3 ans ? Allons donc, et vous ne savez pas qui était ici avant vous ? Je sais que c'était un vieillard qui vivait tout seul. Parbleu, mais c'est lui. Et où niche-t-il à présent ? Il est mort. Je sais qu'il est mort. Mort ? Le garçon les regardait sans changer de couleur ni d'expression. Si expression il y avait, c'était, outre un peu de déception et de surprise, une curiosité à l'égard des deux femmes. Une curiosité vive, impersonnelle, qui était naturelle à cette jeune tête ronde. Pour March, il était le renard. Elle n'eût su dire pourquoi. La tête avançante, ou le luisant du fin duvet blanchâtre, ou les yeux clairs et vifs. Mais ce garçon était le renard. Elle ne pouvait le voir autrement. « Comment se fait-il que vous ne sachiez pas si votre grand-père était mort ou vivant ?» demanda Bamford, qui retrouvait sa sécheresse naturelle. « Justement, expliqua l'adolescent d'une voix douce, vous comprenez, je me suis engagée au Canada, et pendant 3 ou 4 ans, je n'ai pas entendu parler de lui. J'avais émigré au Canada. Et maintenant, vous venez de France ?» De Salonique, pour préciser. Il y eut un silence, personne ne sachant trop que dire. « Ça fait qu'à présent, vous n'avez pas un endroit où loger ?» dit Bamford plutôt gauchement. « Oh, je connais des gens au village. En tout cas, je puis aller au Cygne. »« Vous êtes venu par le train, je suppose. Voudriez-vous vous asseoir un instant ?»« Ma foi, ce n'est pas de refus. » Il poussa un drôle de petit grognement en se débarrassant de son sac. Bamford regarda March. « Pose le fusil, » dit-elle. « Nous ferons une tasse de thé. »« Bien dit, » fit le jeune homme. « Nous avons assez vu de fusils. » Il s'assit un peu là, sur le canapé, penché en avant. March recouvra sa présence d'esprit et gagna la cuisine. Là, elle entendit la voix douce et jeune qui, rêveuse, « Ah bien, pensez que je reviendrai pour trouver les choses en cet état ?» Il ne semblait pas triste le moins du monde, seulement un peu surpris et intéressé. « Et quel changement au patelin, eh ? » continua-t-il, faisant du regard le tour de la chambre. « Vous voyez du changement ?» dit Bamford. « Je croirais. » Ses yeux, bien qu'ils eussent l'éclat d'une abondante santé, semblaient plus clairs et plus brillants que nature. March, à la cuisine, s'affairait à la préparation d'un second repas. Mais, ce faisant, elle était attentive au jeune homme du petit salon, sensible surtout à la douceur de cette voix. Elle serrait les lèvres de plus en plus étroitement, les plissant comme dans la couture, tant elle s'efforçait de tenir sa volonté en bride. Mais ses grands yeux, malgré elle, se dilataient et brillaient. Elle perdait la tête. Rapidement et sans soin, elle prépara le repas, coupant de grandes tartines de pain et de margarine, car il n'y avait point de beurre. Elle mit sa cervelle à la torture pour imaginer ce qu'on pourrait ajouter au menu. Il n'y avait que du pain, de la margarine et de la gelée, et le buffet était vide. Incapable de trouver autre chose, elle entra dans le petit salon avec le plateau. Elle n'entendait point être remarquée. Par-dessus tout, elle ne voulait pas qu'il la regardât. Mais lorsqu'elle vint et se mit à dresser la table derrière le garçon même, il se dérangea de sa position allongée, se tourna et guigna par-dessus l'épaule. March pâlit, blêmit. L'adolescent la suivait du regard. Comme elle se penchait au-dessus de la table, il regardait ses jambes minces et bien faites, le veston tombant autour des cuisses, le noir chignon, et de nouveau sa curiosité, immensément éveillée, se trouvait en arrêt. La lampe, avec son abat-jour vert foncé, n'éclairait qu'une moitié de la chambre. La face du garçon se mouvait en pleine lumière, mais March, là-bas, semblait une ombre. Elle fit demi-tour, mettant les yeux de côté, abaissant et relevant ses cils noirs. Sa bouche parut se déplisser pour dire à Bamford « Veux-tu servir ?» Puis elle regagna la cuisine. « Prenez votre thé où vous êtes, voulez-vous ? » dit Bamford au jeune homme. à moins que vous ne préfériez venir à la table. Mais je suis très bien sur ce canapé. Si ça ne vous fait rien, je mangerai ici. Il n'y a que du pain et de la confiture, fit-elle. Elle posa l'assiette sur un tabouret près de lui. Elle était, en le servant, très heureuse, car elle aimait de la compagnie. Et maintenant, elle n'avait pas plus peur de lui que s'il eût été son plus jeune frère. Il était si gamin. « Nelly, appela-t-elle, je t'ai servi une tasse. » March apparut dans le cadre de la porte, prit la tasse et s'assit dans un coin, aussi loin que possible de la lumière. Elle ne savait où mettre ses genoux. Sans robe pour les couvrir, efforcée étant assise de les exposer, hardiment, elle souffrait. Elle se reculait, s'efforçant de n'être point vue. Et l'adolescent, étalé sur le divan, braquait sur elle de longs regards. La pauvre Marche eût voulu être à 100 pieds sous terre. Cependant, elle tint sa tasse en équilibre, but son thé, serra les lèvres et détourna la face. Son désir d'être invisible était si fort qu'il déconcerta tout à fait le jeune homme. Il se dépitait de ne pouvoir la considérer distinctement, ombre dans l'ombre. Et toujours ses yeux revenaient à cette ombre avec une attention dont il n'était pas maître. Pendant ce temps, il parlait doucement et mollement à Bamford, qui n'aimait rien tant que de bavarder et qui était pleine d'une vaine petite curiosité d'oiseau. Et puis il mangeait abondamment, rapidement, voracement, au point que March dut couper encore des tartines de pain et de margarine. Et Bamford s'excusa de la grossièreté d'une telle pitance. « Eh bien, dit March, qui tout à coup parla, s'il n'y a point de beurre, inutile d'essayer de faire les tranches petites. » De nouveau, le jeune homme l'observa, et il rit d'un rire subtil, rapide, qui découvrait ses dents et plissait son nez. « Justement, justement, approuva-t-il de sa voix douce, familière. Il était de Cornouailles par sa naissance et son éducation. À 12 ans, il était venu à Bailey Farm avec son grand-père, avec qui il ne s'était jamais bien accordé. Il avait donc émigré au Canada d'un coup de tête et travaillé très loin dans l'Ouest. Le voici maintenant, et c'était toute son histoire. Ces femmes piquaient sa curiosité. Que faisait-elle au juste? Ces questions étaient d'un jeune fermier, vive, pratique, un peu moqueuse. Il s'égayait fort de leur attitude, de leurs échecs, car elle l'amusait quand elle parlait génie ses épaules. « Oh !» fit March brusquement, « nous ne croyons pas que le travail soit toute la vie. »« Non !» répondait-il. Et, de rechef, le rire prompt et jeune épanouit son visage. Il tenait ses yeux fermement attachés sur la femme ombre du coin. « Mais que ferez-vous quand vous aurez bouffé le capital ?»« Oh, je ne sais !» répondit March laconiquement. « Nous nous engagerons chez les fermiers, je suppose. »« Oui, mais il n'y aura plus de travail pour les femmes dans les champs, à présent que la guerre est finie. »« Oh, nous verrons. Nous tiendrons encore un peu de temps, » dit March, avec une indifférence moitié triste et moitié ironique. « Votre patelin a bien besoin d'un homme, » dit-il doucement. Bamford éclata de rire. « Prenez garde à ce que vous dites, » interrompit-elle. « Nous estimons pouvoir nous passer de cette aide-là. » « Oh !» fit la voix lente et traînante de March. « Là n'est pas la question, j'en ai peur. Quand on entreprend une ferme, il faut s'atteler à la besogne du matin au soir. Autant être soi-même une bête. »« Je crois bien, » fit le jeune homme. « Et ça ne vous chante pas, eh ?»« Non, » dit March, « bien sûr. »« Nous avons besoin d'un peu de temps pour nous-mêmes, » dit Bamford. Il se pelotonna sur le canapé, la face crispée de rire, un rire silencieux mais déchaîné. Le calme dédain de ces deux femmes lui plaisait énormément. « Oui, » fit-il, « mais pourquoi donc avez-vous pris ce turban ?»« Oh !» dit March, « nous avions alors meilleure opinion de la nature des poules. »« De la nature en général, je crains bien, précisa Bamford. La nature, ne m'en parlez pas. De nouveau, le visage du jeune homme se crispa d'un rire délicieux. Vous ne pensez rien de fameux des poules et du bétail, hein? Dit-il. Ah non, une très pauvre opinion, répondit March. Il pouffa. Ni des poules, ni des génisses, ni des chèvres, ni du thym, reprit Bamford. Et ce fut comme un jappement aigu de rire. Il était ravi. Elles se mirent à rire aussi, March détournant le visage et plissant la bouche de gaieté. « Oh bien, dit Bamford, qu'est-ce que ça nous fait, n'est-ce pas, Nelly ?»« Oui, dit March, peu nous chaud. » Le garçon s'amusait fort. Il avait mangé et bu tout son soûl. Bamford se mit à lui poser des questions. Il s'appelait Henry Grenfell, non pas Harry, mais toujours Henry. Il continua de répondre avec une simplicité courtoise, grave et charmante. March, qui n'était point admise à l'entretien, jetait de son coin de longs et lents coups d'œil du côté de l'adolescent, qui restait sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux, le visage sous la lampe, clair, éveillé, tourné vers Bamford. Elle devint enfin presque paisible. Il personnifiait le renard. Et il était là, en chair et en os. Elle n'avait plus besoin de courir après lui. Là, dans l'ombre de son coin, elle s'abandonnait à une paix chaude, détendue, presque pareille au sommeil. Elle consentait au charme qui lui était jeté. Mais elle désirait demeurer cachée. Elle ne se sentait pleinement en repos qu'autant qu'il l'oubliait, causant avec Bamford. En sa retraite sombre, elle n'avait plus besoin de s'opposer à elle-même, de se maintenir sur deux plans de conscience. Elle pouvait à la fin se laisser envelopper dans l'odeur du renard. Car le garçon, assis devant le feu, en son uniforme, dégageait dans la pièce une odeur faible, mais distincte, indéfinissable, quelque chose comme d'une créature sauvage. March ne tentait plus d'y échapper. Elle était tranquille et douce dans son coin, pareille à une créature passive au fond de son terrier. À la fin, la conversation languit. Le jeune homme cessa de tenir les mains croisées sur ses genoux, s'étira un peu et regarda autour de lui. De nouveau, il s'aperçut de la femme silencieuse, à moitié invisible. « Eh bien, dit-il involontairement, « je pense que je ferais mieux de partir, sinon ils seront déjà couchés au cygne. »« J'ai peur qu'ils ne le soient déjà, » dit Bamford. « Ils ont pris l'influenza. »« Non, » s'écria-t-il. Il réfléchit. « Eh bien, je trouverai ailleurs. »« Je vous offrirai bien de rester ici, mais... » commença Bamford. Il se tourna, la regarda, tête en avant. « Quoi ? » demanda-t-il. « Oh, les convenances, je suppose. » Elle était un peu confuse. « Ce ne serait pas convenable, hein » fit-il doucement, surpris. « Oh, nous sommes au-dessus de ça, » fit Bamford. « Et moi aussi, » approuva-t-il, avec une gravité naïve. « Après tout, c'est ma maison, en un sens. » Ces mots firent sourire Bamford. « Je songeais au « qu'en dira-t-on ? » fit-elle. Il y eut un instant de silence. « Qu'en penses-tu, Nelly ?»« Ça m'est égal, » répondit March de son ton net. « Le village n'a aucune espèce d'importance pour moi, en tout cas. »« Non ?» repartit le jeune homme aimablement. « Pourquoi en aurait-il ? Est-ce que ça le regarde ?»« Oh bien, » dit la voix traînante, laconique de March. « Ils trouveront facilement à critiquer. Mais ils perdront leur temps. Nous pouvons veiller sur nous-mêmes. »« Pardi !» s'écria le garçon. Eh bien donc, restez, si vous voulez, conclut Bamford. La chambre d'amis est toute prête. Le visage du jeune homme brilla de plaisir. Si vous êtes tout à fait sûr que ça ne vous dérange pas trop, dit-il, avec cette aimable politesse qui le distinguait. Oh, il n'y a aucun dérangement, affirmèrent-elles ensemble. Son regard allait de l'une à l'autre, et il souriait de joie. « C'est rudement chic de n'avoir pas à repartir, pas vrai ?»« Je le crois, » dit Bamford. Marge sortit disposer la chambre. Bamford était aussi contente et prévenante que s'il se fût agi de son jeune frère revenu de France. Elle éprouvait la même sorte de plaisir à s'occuper de lui. Sa chaleur et son amabilité naturelle pouvaient à présent s'épancher. Et le jeune homme se plaisait à cette attention de sœur. Mais ça le déroutait un peu de savoir que March aussi travaillait silencieusement pour lui. Femme si curieuse, effacée, muette, il lui semblait qu'il ne l'avait réellement pas vue. Il avait l'impression qu'il ne la reconnaîtrait pas s'il la rencontrait sur le chemin. Cette nuit-là, March eut un rêve très net. Elle rêva qu'elle entendait au dehors un chant qu'elle ne pouvait comprendre, un chant qui rôdait autour de la maison, dans les champs et dans les ténèbres. Cela l'émouvait à tel point qu'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle sortait et soudain voyait que c'était le renard qui chantait. Il était très jaune, très clair, comme du blé. Elle s'approchait de lui, mais il faisait un bond et cessait de chanter. Il paraissait tout près et elle désirait le toucher. Elle étendait la main, mais tout à coup, il la mordait au poignet et au même instant, comme elle reculait, le renard, faisant demi-tour pour s'enfuir, lui balayait le visage d'un coup de queue. Et il semblait que cette queue était en feu, car elle lui desséchait et brûlait les lèvres en lui faisant grand mal. La douleur la réveilla et elle resta étendue, tremblante, comme si elle eût été réellement brûlée. Le matin, pourtant, ce rêve ne lui apparut plus que comme un souvenir lointain. Elle se leva et s'occupa de préparer la maison, de soigner les volatiles. Bamford se rendit au village à bicyclette pour essayer d'acheter quelques vivres. C'était une âme hospitalière. Mais hélas, en 1918, il n'y avait guère de nourriture à vendre. Le jeune homme descendit de sa chambre en manches de chemise. Il était jeune et frais, mais il marchait la tête en avant, et ça le faisait paraître voûté, comme d'une légère courbature de l'épine dorsale. Ce devait n'être qu'une façon de se tenir, car il était jeune et vigoureux. Il sortit, tandis que les femmes préparaient le déjeuner. Il vit tout, passa tout en revue. Sa curiosité était prompte et insatiable. Il comparait l'état des choses actuelles avec celui dont il se souvenait et réfléchissait sur l'effet de ces changements. Il observa les poules et les canards pour étudier leurs conditions. Il suivit des yeux un vol de pigeons sauvages au-dessus de sa tête. Ils étaient très nombreux. Il aperçut à la cime des branches les quelques pommes que March n'avait pu atteindre. Il remarqua que les jeunes femmes avaient emprunté une pompe, probablement pour vider la grande citerne d'eau douce qui était au côté nord de la maison. « C'est une drôle de vieille bicoque délabrée, » dit-il aux femmes en s'asseyant à table. Il avait les yeux intelligents et enfantins de celui qui a beaucoup pensé. Il ne parla pas beaucoup, mais il mangea copieusement. March détournait la tête. Elle-même, dans le premier matin, ne pouvait sentir pleinement l'effet de sa présence, bien que quelque chose, dans le luisant de son uniforme kaki, lui rappela l'éclat du renard de son rêve. Durant le jour, les deux femmes vaquèrent à leurs occupations. Lui s'occupa des fusils, tua un lapin et un canard sauvage qui volaient haut dans la direction du bois. Ce fut un gros soulagement pour le buffet. Il ne fut toutefois pas question de son départ. Dans l'après-midi, il alla au village. Il en revint à l'heure du thé. Il avait dans son visage rond le même regard vif et pénétrant. Il suspendit son chapeau à une patère avec un petit geste oscillant. Il pensait à quelque chose. « Ce n'est pas tout, » dit-il en s'asseyant. « Qu'est-ce que je vais faire ?»« Ce que vous allez faire ?» dit Bamford. « Qu'entendez-vous par là ? Où trouver un logement au village ? Je ne sais pas, dit Bamford. Où pensez-vous rester? Eh bien, il hésita. Aux cygnes, ils ont attrapé cette sale influenza. Et à la charrue, ils ont les soldats qui ramassent le foin pour l'armée. De plus, dans les maisons privées, il y a 10 hommes et un caporal, à ce qu'on m'a dit. Allez, avec tout ça, trouvez un plumard. Il leur laissa le soin de trancher cette question. Il était assez tranquille à ce sujet. March avait les coudes sur la table, les deux mains supportant le menton, les regards dirigés inconsciemment vers le jeune homme. Tout à coup, il leva ses 2 yeux bleus couverts d'un léger nuage et, sans y penser, les planta droit dans les yeux de March. Il tressaillit, elle tressaillit. Il recula un peu. March, lorsqu'il tourna la tête de côté, sentit jaillir de ses prunelles et lui tomber sur l'âme la même étincelle de ruse, de raillerie et d'intelligence qui avait jailli des yeux noirs du renard. Elle pinça la bouche comme si elle souffrait, comme si elle était endormie. « Oh bien, je ne sais pas, » disait Bamford. Elle hésitait, comme craignant d'être trompée. Elle regarda March, mais sa pauvre vue trouble ne perçut qu'une habituelle expression de demi-absence. « Pourquoi ne dis-tu rien, Nelly ?» Mais March restait là, béante et silencieuse, et le jeune homme, comme fasciné, les yeux fixes, la regardait. « Allons, réponds quelque chose !» Et March tourna la tête légèrement de côté, comme si elle reprenait conscience ou essayait de rétablir le contact avec les choses. « Que veux-tu que je te dise ? » demanda-t-elle à la façon d'un automate. « Dis ce que tu penses. » « Ça m'est tout à fait égal. » Nouveau silence. Dans les yeux du garçon, il semblait y avoir un éclat mordant, pénétrant comme une vrille. « À moi aussi, » dit Bamford. « Vous pouvez rester si vous voulez. » Un sourire pareil à une petite flamme rusée passa sur le visage du jeune homme, tout à coup et involontairement. Il baissa la tête rapidement pour cacher ce sourire. « Vous pouvez rester si le cœur vous en dit. Vous pouvez agir à votre gré, Henry, » conclut Bamford. Cette fois encore, il ne répondit pas, mais resta tête baissée. Puis il releva la face. Elle brillait d'une curieuse clarté, comme triomphante, et ses yeux étaient étrangement clairs. Il regarda March, elle se détourna, la bouche douloureuse et comme blessée, et l'air absent. Bamford devint un peu intrigué. Elle observa le regard décidé, transparent, que le jeune homme posait sur March avec un sourire à peine visible. Et Bamford ne comprenait pas comment il souriait, car aucun de ses traits ne remuait. Un sourire qui semblait n'être que dans le lustre du fin duvet de ses joues. Mais ce ne fut plus du tout le même regard qu'il tourna vers Bamford. « Vraiment ? » dit-il de sa douce voix polie. « Vous êtes la bonté même, vous êtes trop bonne. Ne vous tourmentez pas pour moi, je vous prie. » « Coupe un morceau de pain, Nelly, » dit Bamford un peu gêné. Et elle ajouta, « Il n'est pas question de se tourmenter. Restez si ça vous chante. C'est comme si j'avais mon frère ici pour quelques jours. Il a votre âge. » « C'est rudement gentil de votre part, » répéta le garçon. « J'aimerais tant rester si j'étais sûre de ne pas vous déranger. » « Non, mais non, je vous dis, c'est un plaisir d'avoir quelqu'un ici avec nous. Cela nous tient compagnie, » affirma la généreuse Bamford. « Mais, Miss March, » fit-il de sa voix douce en regardant l'autre femme. « Oh, tout est bien en ce qui me concerne, » dit March vaguement. La face du jeune homme rayonna, et peu s'en fallut qu'il ne se frottât les mains de contentement. « Bon alors, ça me fera rudement plaisir si vous me laissez payer ma pension et vous donner un coup de main. »« Il n'est pas question de pension, » dit Bamford. Un ou deux jours passèrent et le jeune homme était encore là. Bamford était tout à fait sous le charme. Un garçon si doux, si poli dans son langage, moins désireux de parler que d'écouter ce qu'elle avait à dire et de rire de son rire preste à demi moqueur. Il prenait sa part de besogne, mais point une trop grande part. Il aimait à être dehors, seul, fusil en main, pour observer, pour voir. Car il avait une curiosité visuelle aiguë, insatiable. Et quelle liberté d'être absolument seul, à guetter, inaperçu. C'était surtout March qui l'observait. Elle lui semblait un caractère étrange. Sa taille, pareille à la taille d'un gracieux jeune homme, l'intriguait. Ses grands yeux noirs, chaque fois qu'il y plongeait, lui remuaient l'âme, lui causaient un bizarre emballement, une excitation qu'il avait peur de laisser paraître. C'était si vif, si secret. Et puis, son parler drôle, grondeur, le faisait rire à gorge déployée. Il sentait qu'il devait être entreprenant. Il y était irrésistiblement poussé. Mais il refoulait la pensée de March et gagnait la lisière du bois avec le fusil. Le crépuscule tombait lorsqu'il revenait au logis. Et, avec le crépuscule, une fine pluie d'arrière-novembre. Il voyait les flammes sauter à la fenêtre du salon, une lumière dansante au milieu du petit groupe des bâtiments sombres. Et il se disait que ce serait une bonne chose que de posséder ce patelin. Et puis le finot eut cette pensée. Pourquoi ne pas épouser March? Il s'arrêta quelques minutes au milieu du champ, le lapin mort et brimbalant à la main. Son esprit était sous le coup de la surprise. Il semblait calculer, et puis il se sourit bizarrement à lui-même. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, vraiment? C'était une bonne idée. Un peu ridicule. Bah, qu'est-ce que ça faisait? Elle était plus âgée que lui, la belle affaire. Quand il pensait à ses yeux noirs, effarés, à ses yeux vulnérables, il s'adressait à un sourire subtil. C'était lui le plus âgé des deux en réalité. C'était lui qui la dominait. Son intention, à peine se l'avouait-il. Même envers lui, il gardait le secret. Tout était trop incertain encore. Il faudrait voir comment tirer les choses. Oui, il faudrait voir. S'il n'y prenait garde, elle se moquerait tout uniment. Il savait, le malin, le subtil garçon, que s'il allait à elle simplement lui dire « Miss March, je vous aime et je désire vous épouser », la réponse inévitable serait « Sortez, je ne désire pas, moi, cette bêtise ». Telle était son attitude à l'égard des hommes et de leurs bêtises. S'il n'y prenait garde, elle l'accablerait de sa raillerie, de ses sarcasmes, et pour jamais le chasserait de son esprit et de la ferme. Il devait y aller doucement. Il devait la surprendre à l'affût, pour ainsi dire, comme on fait d'un cerf ou d'une bécasse. Ça ne vaut rien d'entrer dans la forêt et de dire à la bête « Reste au bout de mon fusil, je t'en prie ». Non, c'est une bataille lente, le fin du fin. Lorsque vous vous mettez en quête d'un cerf, il faut vous recueillir, vous pelotonner en vous-même, secrètement, avant l'aube, à l'intérieur des montagnes. Quand vous partez en chasse, l'important est moins ce que vous faites que ce que vous éprouvez. Être subtil, rusé, et prêt à tout, absolument, fatalement, ça devient quelque chose comme un destin. C'est votre destin à vous qui entraîne le destin de la bête que vous chassez. Vous n'êtes pas encore en vue de votre proie qu'il se livre une étrange bataille magnétique. Votre âme, comme un chasseur, est sortie pour lier l'âme du cerf, même avant que vous aperceviez la bête. Et l'âme de la bête lutte pour échapper, même avant qu'elle vous ait éventé. C'est ainsi. C'est dans l'invisible une subtile, une profonde bataille de volonté, une bataille qui ne finit qu'au moment où la balle fait son effet. Quand vous êtes au point et que vous arrivez finalement à portée, vous ne visez pas alors comme lorsqu'on vise une bouteille. C'est votre volonté elle-même, oui, votre volonté, qui porte la balle au cœur de la proie. Le vol de la balle vers son but est une simple projection de votre destin dans le destin du cerf. C'est moins trait d'adresse que réalisation d'un suprême désir, d'un suprême acte de volonté. Lui, fermier, lui, soldat attaché à un régiment, point, mais chasseur dans l'âme. Et c'était un jeune chasseur qui voulait abattre March comme une proie, pour faire d'elle sa femme. Il se recueillit donc subtilement, parut se retirer dans une sorte d'invisibilité. Il n'était pas tout à fait sûr de la manière dont il procéderait. Et March était méfiante comme un lièvre. Aussi demeurait-il en apparence l'aimable et jeune étranger qui était là pour une quinzaine. Cet après-midi-là, il avait scié des bûches pour le foyer. La nuit vint très tôt. Il y avait toujours un brouillard froid et humide. Déjà, il faisait presque trop sombre pour y voir. Un tas de bûches coursillées gisait à côté du chevalet. Comme il achevait la dernière, March vint pour les porter à la cuisine ou à la grange. Il était en bras de chemise. Il ne remarqua point l'approche de March. Elle vint de mauvaise grâce, avec une sorte de répugnance. Il la vit se baisser vers les bûches au bout clair. Un feu, tel un éclair, lui courut par les jambes. « March ? » dit-il de sa voix tranquille et jeune. Elle leva les yeux de dessus les bûches qu'elle empilait. « Quoi ?» Il abaissait les regards vers elle dans l'obscurité. Il ne la distinguait pas très bien. « J'ai quelque chose à vous demander. Vous ? Qu'est-ce que c'est ?» Déjà la terreur était dans sa voix, mais elle était trop maîtresse d'elle-même. « Eh bien, » sa voix douce, insinuante, pénétrait les nerfs de March. « Eh bien, de quoi pensez-vous qu'il s'agisse ?» Elle se dressa et, les mains sur les hanches, le regarda, transpercée, muette. De nouveau, il brûla d'une force soudaine. « Eh bien, » et sa voix était si douce qu'on eût dit une subtile caresse, comme la caresse d'une patte de chat, un sentiment plutôt qu'un son. « Eh bien, je voulais vous demander de m'épouser. » March le sentit plus qu'elle ne l'entendit. Elle essaya en vain de détourner la face. Elle parut éprouver un soulagement immense. Elle était là, debout, silencieuse, la tête légèrement de côté. Lui, il semblait pencher vers elle, souriant d'un sourire invisible. Et March avait l'impression que de fines étincelles jaillissaient de ce corps. Puis, tout soudain, elle dit « N'essayez pas sur moi une de vos blagues !» Il frissonna, raté. Il attendit un instant pour retrouver son aplomb. Puis il dit, mettant dans sa voix toute son étrange douceur, comme une caresse imperceptible. « Mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague, c'est sérieux, sérieux. Pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Son ton était offensé, et sa voix avait sur elle un si curieux pouvoir. Elle s'en trouvait sans force, sans résistance. Un moment, elle se sentit perdue, perdue, perdue. La parole semblait vaciller en elle, comme si elle était mourante. Tout à coup, « Vous ne savez pas ce que vous dites !» asséna-t-elle comme un coup de mépris sec et rapide. « Quelle bêtise ! Moi qui pourrais être votre mère !»« Oui, je sais ce que je dis, parfaitement je le sais !» insista-t-il doucement, comme s'il lui plantait sa voix dans le sang. « Je sais au mieux ce que je dis. Vous n'êtes pas assez âgée pour être ma mère, ce n'est pas vrai. Et quand cela sera, voulez-vous m'épouser, quel que soit notre âge ? L'âge, je m'en moque. Et vous, l'âge n'est rien. » Une défaillance envahit March à cette conclusion. Il parlait rapidement, à la façon de Cornouailles, et sa voix paraissait résonner quelque part en elle, où elle était sans force aucune pour lui résister. « Là, je n'ai rien. » La douce et lourde insistante de cette phrase la faisait ployer vaguement là, dans l'obscurité. Elle ne pouvait répondre. Et lui, un grand triomphe lui envahit le corps. Il sentit qu'il avait vaincu. « Je désire vous épouser, vous comprenez ? Pourquoi pas ? » continua-t-il, doux et rapide. Il attendit qu'elle répondît. Dans le crépuscule, il la voyait presque phosphorescente. Les paupières étaient baissées, la face à demi détournée et impassible. Elle semblait être en sa possession. Mais il patienta. Il n'osait pas la toucher encore. « Dites alors, dites que vous m'épouserez, dites, dites !» Il insistait tendrement, Quoi ? Demanda-t-elle d'un ton faible, lointain, comme quelqu'un qui souffre. La voix du garçon était à présent extraordinairement intime et douce. Il vint tout près d'elle. « Dites oui. »« Ah, je ne puis !» gémit-elle désespérément, articulant à peine les mots, comme à demi-consciente, comme dans la douleur, comme quelqu'un qui va mourir. « Comment puis-je ? » ?»« Vous le pouvez, » dit-il tendrement, posant une main douce sur l'épaule de March, qui restait là, perdue, la face détournée et penchée. « Vous le pouvez, oui, vous le pouvez. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas ? Vous pouvez, vous pouvez. » Et avec une douceur extrême, il se pencha en avant et ne fit qu'effleurer sa bouche et son menton. « Non ! » cria-t-elle, un faible cri convulsif, en s'écartant d'un bond. Puis, le regardant en face, « Que voulez-vous dire ?» Mais, suffoquée, elle ne pouvait parler, comme si elle était tuée. « Je veux dire ce que je dis, » persista-t-il, tendrement et cruellement. « Que vous m'épousiez ? Que vous m'épousiez ? Vous le savez à présent, n'est-ce pas ? Vous le savez, non ? Non ? Quoi ? Vous le savez ? Oui, je sais que vous dites ça. Et vous savez que je le pense, n'est-ce pas ? Je sais que vous dites ça. Vous me croyez ? » Elle resta un moment sans répondre, puis elle pinça les lèvres. « Je ne sais pas ce que je crois, » dit-elle. « Êtes-vous là ? » fit la voix de Bamford, appelant de la maison. « Oui, nous rentrons les bûches, » dit-il. « Je vous croyais perdu, » dit Bamford d'une voix désespérée. « Allons, dépêchez-vous et venez, que nous prenions le thé. La bouilloire chante. » Il se baissa aussitôt pour ramasser une brassée de petites bûches qu'il alla empiler dans un coin de la cuisine. March donna un coup de main, chargeant ses bras et portant les bûches contre sa poitrine. La nuit était tombée, froide. Quand les bûches furent toutes rangées, March et Henry décrottèrent bruyamment leurs souliers sur le racloir extérieur, puis les frottèrent sur le paillasson. March ferma la porte et ôta son vieux chapeau de feutre, son chapeau de fille de ferme. Son épaisse tignasse noire et frisée était défaite, son visage pâle et fatigué. Elle rejeta ses cheveux en arrière, d'un geste vague, et se lava les mains. Bamford entra précipitamment dans la cuisine, peu éclairée, pour prendre sur le poêle la pâtisserie qu'elle lui tenait au chaud. « Qu'avez-vous bien pu faire tout ce temps ? » demanda-t-elle d'un ton maussade. « Je pensais que vous ne rentreriez jamais. » « Et il y a des siècles que vous êtes arrêté de scier. Que faisiez-vous là dehors ?»« Eh bien, dit Henry, il fallait boucher le trou de rat dans la grange. »« Comme si je ne vous avais pas vu debout, dans le hangar, je pouvais distinguer vos manches de chemise, » riposta Bamford. « Justement, je serrai la scie. » Ils entrèrent prendre le thé. March ne disait pas un traître mot. Elle avait le visage pâle, fatigué, et l'air absent. Le jeune homme, qui toujours avait la même expression de fraîcheur et de réserve, comme s'il se gardait lui-même à lui-même, était venu au repas en manches de chemise, comme chez lui. Il mangeait, courbé sur son assiette. « N'avez-vous pas froid ? » dit Bamford d'un ton agressif. « Avec ses manches de chemise ?» Il la regarda, le menton près de son assiette et les yeux très clairs. Transparent, résolu. Non, je n'ai pas froid, dit-il avec sa douce politesse habituelle. Il fait beaucoup plus chaud ici que dehors, vous comprenez ? Je l'espère, dit Bamford, qui se sentit provoqué. Il avait une assurance étrange, suave, et un regard très franc qui lui allait sur les nerfs ce soir. Mais c'est peut-être, dit-il doucement et courtoisement, que vous n'aimez pas que je vienne à table sans veston ? Je l'oubliais. Oh, ça m'est égal, dit Bamford, à qui ça ne l'était pas du tout. Dois-je le mettre ? March tourna lentement vers lui ses yeux noirs. Ne vous en faites pas, fit-elle de sa voix bizarre, stridente. Si vous êtes à votre aise ainsi, restez ainsi. Elle parlait avec une autorité bourrue. « Oui, je me trouve tout à fait à l'aise, si ça ne vous choque pas. »« « Ça n'est pas considéré d'ordinaire comme bien distingué, » dit Bamford. « Mais ça nous est égal. »« Allons, pas distingué, » lança March. « Qui est-ce qui ne le trouve pas distingué ?»« Mais toi-même, Nelly, » riposta Bamford, qui se rengorgea un peu derrière ses lunettes et sentit la nourriture l'étouffer. Mais March était comme absente de nouveau et indifférente, mâchonnant sa nourriture comme si elle ignorait qu'elle mangeât. Et le jeune homme promenait de l'une à l'autre des yeux curieux et clairs. Bamford était froissé, car, avec toute sa suave politesse et la douceur de sa voix, ce garçon lui apparaissait impudent. Elle n'aimait point à le regarder. Elle avait des plaisirs à rencontrer ses yeux fureteurs. Elle répugnait à voir la bizarre lueur répandue sur ce visage, ses joues duvetées et cette peau éclatante de santé. Ce teint mat qui pourtant avait l'air de brûler d'une curieuse chaleur de vie. Elle souffrait un peu à le regarder. Il émanait de cet adolescent une chaleur, une sensualité qui la pénétrait.